Chapitre 11e. La nouvelle de la mort du docteur Kordsov, en se répandant dans Pétersbourg, y causa une immense consternation. Oubliant la frayeur de la contagion, qui jusqu'alors les avait tenus éloignés, les amis de la famille s'empressèrent autour de ceux qui restaient. On eût dit que le fléau devait être désarmé, maintenant qu'il avait choisi sa dernière proie parmi les plus nobles et les meilleurs. En effet, l'épidémie décroissait rapidement, et bientôt il ne resta plus de la terrible apparition que le deuil de ceux qui avaient aimé les victimes et le sentiment de leur perte irréparable. Nadia, qui avait supporté le premier coup avec une fermeté inexplicable, fut une année entière sans parvenir à reprendre possession d'elle-même. Elle accomplissait tous ses devoirs avec une régularité mécanique. Jamais, même durant les jours qui avaient suivi la mort de Kordsov, elle n'avait ralenti sa surveillance ou négligé quelque occupation. On la trouvait toujours prête à répondre, à donner un conseil, à réparer l'oubli d'un autre, mais sa pensée était ailleurs. On voyait qu'elle vivait uniquement dans son passé, et que le sentiment de la responsabilité était seul à la soutenir. Ses enfants même, qui lui étaient si chers, semblaient lui appartenir plutôt par les devoirs qu'elle avait envers eux que par l'affection qu'elle leur portait. L'âme entière de Nadia avait suivi son mari au-delà de la vie. Une année s'écoula ainsi. Les enfants souffraient plus qu'on peut se l'imaginer de cet état qu'ils comprenaient être maladif, mais qu'il n'en était pas moins plein pour eux d'amertume et de tristesse. Pierre, déjà mûri par le travail et de sérieuses méditations, devenu presque un homme, s'expliquait mieux l'état d'esprit de sa mère. Mais sa sœur, dont la nature spontanée, toute d'élan et de passion, supportait mal la réserve et la froideur, se débattait contre la rigidité extérieure, contre l'indifférence apparente de cette mère tant aimée, et Sophie devenait presque méchante à force de souffrir. Vraiment, Marthe s'efforçait de la consoler et de lui prouver que cet état ne pouvait durer, qu'un jour elle retrouverait tout entière la mère qu'elle pleurait maintenant comme si elle avait été morte elle-même. Sophie ne voulait rien entendre. « Tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer si tendrement quelqu'un qui ne vous aime pas », s'écria-t-elle un jour fondant en larmes. « Vous non plus, Volodia, vous ne le savez pas. Cela fait tellement mal qu'on serait bien aise de mourir pour en avoir fini. » Marthe restait silencieuse, impuissante à trouver des arguments. Volodia leva gravement les yeux sur la jeune fille. « Vous parlez comme une enfant, Sophie, » dit-il d'une voix presque sévère. « Nous savons tous ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui nous aime moins que nous le désirons. Cela fait bien mal, en vérité. Mais quand on a dans l'âme le sentiment des grandes choses, on ne se désole pas pour cela. On prend son mal en patience, on attend, même lorsqu'on n'espère pas. Pour vous, vous n'êtes pas à plaindre. Vous savez parfaitement combien vous êtes aimé. Vous savez mal aimer vous-même si vous ne pouvez permettre à ceux que vous chérissez d'avoir un chagrin qui momentanément les éloigne de vous. Est-ce que vous seriez égoïste, Sophie ? » La jeune fille, prête à se révolter, leva les yeux sur l'ami de son enfance. Les paroles de reproche et de colère qu'elle allait proférer s'arrêtèrent sur ses lèvres tant il paraissait grave et triste. Volodia, comme sa sœur Marthe, ne dépensait pas son affection en démonstration. Il la concentrait, au contraire, afin d'en montrer tout le trésor seulement dans les occasions qui en valaient la peine. Plus d'une fois, Sophie l'avait trouvé de bons conseils. Dans les petites indignations que soulevaient parfois en elle les réprimandes, il s'était montré rigoureusement partisan du devoir, et si dépitée qu'elle fût de se voir blâmée quand elle espérait se faire plaindre, elle n'avait pu s'empêcher de s'avouer que le jeune homme avait raison. « Égoïste ? Non, » dit-elle. « Je ne rêve, et vous le savez aussi bien que moi, Volodia, que d'employer ma vie au service d'autrui, que de m'en rendre utile par quelque sacrifice. » Il l'interrompit d'un geste grave et lui prit la main. « Les sacrifices tels que vous les comprenez, dit-il, sont des choses brillantes, des objets de luxe, pour ainsi dire. Ce sont des ornements pour la vie qui se les impose. Ils vous attirent l'admiration des autres et vous apportent par là une prompte récompense. Le sacrifice tel que je l'entends est terne et muet. Il n'a point d'apparence et ne fait pas parler de lui. Lorsque vous avez grande envie de déranger une personne que vous aimez dans son travail ou ses méditations pour lui faire vos confidences, c'est lui qui vous conseille de la laisser à ses pensées. C'est lui qui vous fait excuser la peine que vous cause des êtres chers, mais étourdis ou égoïstes. Ce sacrifice-là, Sophie, personne ne le connaît que nous-mêmes, et si vous saviez le pratiquer, il vous commanderait de respecter la douleur de votre mère. Vous ne savez pas ce que c'est que de perdre le compagnon de sa vie. Rien n'est aussi cruel. » Il quitta la main qu'il tenait et se détourna un peu en ajoutant à voix basse « Si ce n'est de savoir qu'on ne sera jamais rien pour ce qu'on aime. » Sophie le regarda, indécise. Plus d'une fois, elle avait cru sentir dans l'attitude du jeune homme une tendresse confiante, plus grave et plus profonde que l'amitié fraternelle. Mais pourquoi la grondait-il toujours? Pourquoi la blâmait-il sans cesse? Quand on aime, on ne prend pas tache de cendre partout, et toujours c'est désagréable. La jeune fille soupira et quitta la salle d'études, théâtre ordinaire de leurs escarmouches. Marthe n'avait rien dit. Patiente et sérieuse, elle assistait à la vie des autres avec un désintéressement parfait. Non qu'elle n'y participât généreusement de tout ce qu'elle avait en elle-même de courage et d'activité, mais elle se sentait faite pour les rôles à côté, comme elle le disait plaisamment. « Je suis née tante, belle-sœur, marraine, tout ce qu'on voudra, » disait-elle enfin, « pourvu qu'on ne me demande pas de me lancer pour mon compte au milieu de la mêlée. » Volodia s'approcha de l'excellente fille qui le regardait avec une douce pitié. « Je t'assure, » lui dit-elle, répondant à la pensée intérieure de son frère, « je t'assure qu'elle est très bonne au fond. Elle est pleine de qualités précieuses, mais en ce moment elle souffre, et cela la rend injuste. « À qui le dis-tu » fit-il en se détournant. Après un silence, il reprit. « Sais-tu, Marthe, j'ai envie de partir pour une académie de province, Moscou ou Kiev. Je crois que là-bas, je ferai mieux mon chemin qu'ici. » Sa sœur ne répondit rien, mais resta toute pâle, les yeux fixés sur lui, attendant une explication. « Je ne suis plus ici ce que j'ai été, » reprit-il. « Je ne sais si c'est parce que je suis un pédant insupportable, toujours prêt à m'origéner, mais Sophie n'est pas seule à s'éloigner de moi. Pierre aussi cherche d'autres amitiés. Il s'est lié depuis peu avec un certain Nicolas Stepline, dont je n'augure rien de bon. « Stepline, » fit Marthe en cherchant dans sa mémoire, « ce nom ne m'est pas inconnu. C'est un de ces jeunes gens de provenance plébéienne, qui n'ont plus les vertus du peuple et qui n'ont pas su acquérir celles des classes supérieures. Il est mal élevé, sournois, grossier dans le fond, quoiqu'il s'efforce de paraître modeste. Impossible de m'expliquer ce qui peut attirer Pierre vers lui, si ce n'est la loi des contrastes, car notre Pierre est tout l'opposé de ce garçon désagréable. Eh bien, ils sont toujours ensemble. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas encore songé à l'amener ici. » Volodia resta pensif, puis, appuyant sa main sur l'épaule de sa sœur, « C'est pour cela, Marthe, » dit-il en forme de conclusion, « que je ferais bien de m'en aller. Lorsque l'amitié n'est plus utile, sa dignité exige qu'elle se retire. » C'est au moment où Pierre fait de mauvaises connaissances que tu te trouves inutile ? Demanda la jeune fille, jusque-là silencieuse. Volodia haussa les épaules d'un air chagrin, sans répondre. Que dirait le docteur Kordzov s'il t'entendait parler ainsi ? Continua-t-elle avec un accent d'autorité étrange dans la bouche de cette personne modeste, qui semblait ne rien vouloir juger par elle-même. Et Nadia, que dirait-elle si elle savait ce que tu prémédites ? Comment, tu profiterais de ce qu'absorbée dans sa douleur ? Elle ne regarde pas ce qui se passe autour d'elle pour abandonner lâchement ses enfants ? Tu n'as donc pas vu que depuis la mort du docteur, c'est toi et moi qui continuons sa tâche ? Que cette malheureuse femme, noyée dans son chagrin, ne se rend guère compte de ce qui se passe autour d'elle, et que sans nous, les enfants n'auraient plus ni d'avis ni de conseils ? Ah, mon frère, tu n'as pas réfléchi, quand tu as permis à cette pensée de défaillance de pénétrer dans ton esprit. » Le jeune homme porta lentement la main de sa sœur à ses lèvres. « Tu as la sagesse et le dévouement incarné, Marthe, mais tu resteras, toi. Vois-tu, la tâche est devenue bien pénible pour moi. Depuis que Sophie me déteste, cette tâche est au-dessus de mes forces. » Marthe plongea son regard compatissant jusqu'au fond de l'âme de Volodia. « Oui, dit-elle, je sais. Mais où serait le mérite, mon frère, si le sacrifice était aisé, si la tâche était facile ? En quoi vaudrait-on mieux que les lâches, si l'on reculait devant la douleur, quand il faut remplir son devoir ? Crois-tu que moi je ne souffre pas de devoir souffrir ? Mais notre devoir de reconnaissance envers la mémoire de Dimitri Kordzov et envers sa femme ne nous permet pas d'agir lâchement. Nous resterons, mon frère, aussi longtemps que nous serons utiles, et le jour est bien loin où nous aurons cessé de l'être. » Le jeune homme prit sa sœur dans ses bras, et les deux orphelins se serrèrent étroitement l'un contre l'autre. « Je crains, reprit-il lorsqu'il reprit son calme, que Sophie ne soit devenue orgueilleuse, et qu'elle ne me considère comme fort au-dessus d'elle, à cause de ma position dépendante. » « Quand cela serait, répliqua Marthe, il faudrait encore nous y résigner. et lui pardonner ce travers pour l'amour de son père et de sa mère. Elle regardait son frère et lut dans ses yeux qu'un tel travers serait pour lui la mort de tout ce que depuis l'enfance il cultivait religieusement dans son âme. Il avait aimé Sophie comme il aimait Pierre, parce que c'était l'enfant de ses bienfaiteurs. Puis, cette affection dévouée avait pris une autre forme avec les années. Il l'aimait trop maintenant. Il eût sacrifié sa jeunesse entière pour vaincre l'attrait puissant, l'irrésistible sentiment qui le donnait à elle tout entier. Mais si l'on peut se défendre d'aimer lorsqu'on se doute du péril, il est autrement difficile de se reprendre lorsqu'on a laissé son âme s'en aller vers une autre à son insu. Il aimait Sophie, et bonne ou mauvaise, il l'aimerait toujours. Suivant qu'elle serait bonne ou mauvaise, elle remplirait de joie ou de douleur la vie de celui qu'il aimait. « Enfin, dit-il, je ferai mon devoir, quoi qu'il m'en coûte. » Ils se serrèrent la main comme des camarades qui vont ensemble au feu. Dans toutes les luttes de la vie, ces deux êtres vaillants s'étaient serrés l'un contre l'autre et avaient marché côte à côte. Ce serait jamais leur récompense et leur consolation. Quand la famille se retrouva réunie au thé du soir, Pierre, qui depuis quelque temps s'absentait volontiers à 7 heures, se montra particulièrement aimable avec sa mère et sa sœur. Au moment où Madame Kortzoff se préparait à rentrer dans sa chambre, son fils s'approcha d'elle pour lui dire bonsoir et lui baiser la main comme de coutume. « Ma mère, lui dit-il, j'ai une requête à vous présenter. Me permettrez-vous d'amener ici un de mes camarades, étudiant en médecine comme moi ? Qui est-ce ? Demanda Nadia distraitement. « Il se nomme Nicolas Stepplin, dit Pierre en rougissant légèrement. « Stepplin, répéta Madame Kortzoff en cherchant dans sa mémoire. Son fils attendait sa réponse, un peu inquiet. « Est-il bien ce garçon ? Volodia le connaît-il ? « Je le connais, répondit laconiquement le jeune homme. « Est-ce un homme qu'on puisse recevoir ?« Si vous me demandez mon humble avis, reprit Volodia, je pense que vous pouvez l'admettre dans votre maison sans plus d'inconvénients qu'un autre. » Nadia sembla sortir de son engourdissement habituel. « Que voulez-vous dire par là » fit-elle. « Simplement que M. Stepplin partage avec beaucoup d'autres jeunes gens l'inconvénient de n'avoir qu'une demi-éducation, de ne pas être un homme du monde, en un mot. Il sort du peuple, et vous connaissez ces jeunes gens sortis du peuple. Moralement, ils peuvent avoir beaucoup de mérite, mais leur société n'est pas toujours de nature à plaire à des êtres plus raffinés. « Oh, vous !» fit Nadia avec un sourire maternel. « Vous avez beau faire, Volodia, vous resterez toujours un aristocrate. « Eh bien, Pierre, tu peux nous amener ton ami, mais sois prudent, n'est-ce pas ? Tu sais avec quelle circonspection il faut former dans la jeunesse des liaisons que l'on peut ensuite traîner comme un boulet toute sa vie. » La petite société se sépara et chacun rentra chez soi. Nadia lisait, seule dans sa chambre, lorsqu'elle entendit frapper. Pensant que c'était sa femme de chambre, venue pour réparer quelque oubli, elle dit d'entrer. À sa grande surprise, ce fut Marthe qui se présenta. « Que voulez-vous, mon enfant ? » dit Madame Kortzoff avec sa bonté habituelle. « Je suis venue vous demander un moment d'entretien, » répondit la jeune fille. « Je ne vous dérange pas ?»« Non, sans doute, puisque vous avez besoin de moi, » répliqua Nadia, un peu surprise. Marthe s'assit près d'elle sur un siège bas et la regarda avec cette expression de ferme confiance qui donnait tant de charme à ce visage honnête. « Une confidence ?» fit Madame Kortzoff pour l'encourager. « Non, ma bienfaitrice, » répondit la jeune fille. « Oh, si vous saviez combien ce que j'ai à vous dire est difficile et pénible. Si je ne parviens pas à me faire comprendre, vous allez me détester, me chasser de votre présence, et pourtant, je vous affirme que c'est l'affection la plus pure, le respect le plus sincère qui m'amène ici. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Nadia en fronçant légèrement les sourcils. « Sophie a du chagrin ?» fit bravement Marthe, sautant à pieds joints au beau milieu de la difficulté. « Sophie se figure que vous ne l'aimez plus. Son caractère change, et je n'ai pas assez d'empire sur elle pour la diriger comme je voudrais. »« Sophie ?» dit Nadia avec étonnement. « Je pensais que c'était de vous que vous vouliez me parler. » Il y avait un peu de hauteur dans ce ton, un peu de dédain dans ses paroles, mais Marthe était bien résolue et rien ne pouvait la décourager. « C'est de Sophie. Elle croit que vous ne l'aimez plus, » répéta courageusement la jeune fille. « Où a-t-elle pris cela ?» fit la mère mécontente. Là était la grande difficulté, l'obstacle presque insurmontable. Marthe reprit haleine avant de parler. « Parce que vous ne vous occupez plus d'elle, » dit-elle enfin, tout d'une haleine. Nadia fit un mouvement si brusque que son livre, resté jusqu'alors sur ses genoux, tomba brusquement à terre. La jeune fille le releva et le déposa sur la table. « Je ne m'occupe plus de ma fille, » fit Madame Korzoff d'un ton froid. « Est-ce elle ou vous qui dites cela ? C'est elle qui le dit et qui le pense. Elle en souffre, elle en pleure, elle devient amère et injuste, parce que le cœur de sa mère, absorbé dans une irrémédiable douleur, n'a plus de pensée que pour son deuil. Oh, ma bienfaitrice, mon cœur saigne pendant que je vous parle, et que vous me regardez avec vos yeux courroucés. Et pourtant, c'est vrai. Vous vivez avec votre cher mort, et vous ne voyez plus les vivants. Si j'ose vous le dire, c'est parce que vos enfants souffrent. Qui sait ce qu'ils auront encore à souffrir dans l'avenir, si vous laissez se détourner d'eux votre sollicitude maternelle ? » Nadia se taisait. Les lèvres pressées l'une contre l'autre, les yeux baissés, elle livrait une grande bataille à son orgueil. « Sophie se plaint d'être négligée par moi, » dit-elle enfin d'un ton radouci. « Elle dit que vous ne l'aimez plus. Oh, ne soyez pas sévère pour elle. C'est l'excès de sa tendresse filiale qui l'égare. » Marthe se tut. Le visage de Madame Korzoff avait pris une expression douloureuse et résignée qui commandait le silence. « C'est vrai, » dit-elle au bout d'un instant. « J'ai vécu replié sur moi-même au milieu de mes souvenirs. Je croyais remplir mon devoir. Je me trompais, sans doute. « Vous avez bien fait, Marthe, de m'avoir montré le vrai chemin. Et mon fils, que dit-il ? » ?»« Il ne dit rien, madame, mais... »« Quoi ? Je n'ai rien à vous apprendre. Vous serez meilleur juge que moi de ce qu'il convient de faire. Vous me pardonnez, mon audace, » ajouta-t-elle humblement. Nadia la tira sur son cœur. « Je vous remercie, » lui dit-elle en l'embrassant avec tendresse. « Mes enfants vous devront peut-être la paix et le bonheur de leur vie. » Le lendemain soir, au moment où la famille se réunissait autour du samovar dans la salle à manger, Pierre rentra, accompagné de son ami Nicolas Stepline, qu'il présenta à sa mère et à sa sœur. Madame Korzoff l'enveloppa d'un regard et le jugea ainsi, rustaud et ambitieux. Sophie ne porta aucun jugement, tout entière à la joie d'avoir retrouvé les caresses de sa mère, qui était venue la réveiller avec un baiser, comme elle le faisait jadis. Elle vivait dans une sorte d'extase, et avait perdu momentanément le sentiment de la vie réelle. Tout lui semblait beau, bon, élevé. Elle eût voulu avoir à faire quelque chose de très difficile pour l'accomplir vite et d'enthousiasme. Sa reconnaissance envers le destin qui lui rendait cette mère adorée, si longtemps perdue, se déversait sur ce qui l'entourait, même sur Marthe, qui souriait silencieusement et gardait son secret. Rien n'eût pu mortifier l'excellente fille plus que de voir dévoiler le mystère par lequel cette mère se trouvait rendue à ses enfants. Certains êtres ont la pudeur de leurs bonnes actions. C'est sans doute pour compenser la forfanterie que d'autres ont de leurs crimes. Une vie nouvelle, une sorte de résurrection de joie et d'amour, refleurit à l'hôpital. Le souvenir du père, martyr de son devoir, planait encore sur toutes les âmes. Mais, ainsi qu'il l'eût souhaité lui-même, c'était comme une auréole et non comme une ombre. Nadia elle-même se reprit à aimer l'existence, non pour ses joies, elle ne pouvait plus en connaître, mais pour ses devoirs. On s'attache à ses devoirs infiniment plus qu'à ses plaisirs. Cette mère, sentant qu'elle avait quelque chose à se reprocher, se mit à observer attentivement ses enfants et constata qu'en effet, elle les avait longtemps négligés. Pierre était devenu très indépendant, trop peut-être, dans ses relations, ses habitudes et ses goûts. Au moment où la surveillance paternelle qui faisait défaut eût dû être remplacée par celle de la mère, il s'était trouvé peu à peu maître de sa personne. Inévitablement, il s'était servi de sa liberté pour commettre des inconséquences. Une des plus importantes avait été sa liaison avec Nicolas Stepline. Celui-ci était le représentant d'un groupe et d'une idée, si tant est qu'on puisse appeler idée, ce qui consiste à n'en avoir aucune. Rustaud et ambitieux, tel que Madame Korzoff l'avait jugé, Stepline était de plus très rusé. Il se faisait une force de ce qu'un autre eût considéré comme une faiblesse. Son manque d'usage, la grossièreté native de sa personne était pour lui des moyens d'action. Il disait carrément une chose désagréable à n'importe qui et tout aussitôt passait pour un homme si franc qu'il ne pouvait cacher sa manière de voir. Ce rôle de paysan du Danube était, il est vrai, le seul auquel Stepline pût prétendre. Mais c'était quelque chose que d'y être entré de plein pied, sans jamais commettre d'erreur ou de défaillance. Comment ce butor s'était-il lié avec Pierre Korzoff ? Précisément par ce moyen usé et toujours bon qui consiste à jeter à la face des gens quelque énorme flatterie assaisonnée d'une grossièreté. Peut-on ne pas croire sincère l'être qui vous trouve en même temps une perfection dont vous doutez et un défaut que vous êtes sûr d'avoir? Lorsqu'après s'être rencontrés au même cours, un hasard longtemps cherché mis face à face Pierre Kordzoff et Nicolas Stéplin, celui-ci alla droit au jeune homme. « Jamais, lui dit-il de but en blanc, je me serais figuré qu'un fils de seigneur peut être bon à quelque chose. Vous démolissez une idée à laquelle je tenais. » « Laquelle ? » fit Pierre un peu blessé. « Je croyais qu'une éducation recherchée, pourrie comme votre éducation de fils de famille, ne pouvait produire que des fruits secs. Et voilà que je trouve en vous l'honneur de notre école. J'avais des préjugés, c'est ennuyeux de les perdre, on tient à ces préjugés. » Le moyen de ne pas être flatté. La jeune cervelle de Pierre se sentit toute grisée de ce compliment inattendu. Vous souvenez-vous que je vous ai battu une fois ? Continua Stéplin avec aplomb. Vous m'en voulez toujours, dites. Cela nous a coûté cher. Mon père a été ruiné du coup, en perdant la place qu'il faisait vivre. C'était un audacieux mensonge, mais Stéplin jouait le tout pour le tout. La partie était assez belle pour valoir cet enjeu. Comment ? S'écria Pierre, mu par ce sentiment de générosité juvénile, absolument irraisonné, ridicule et stupide, qui fait faire tant de sottises et qui rend pourtant la jeunesse si sympathique. « C'était vous ?»« Oui, c'était moi. » »« Ma famille a payé ma brutalité par 10 années de misère. »« Enfin, mon père m'a fait donner de l'éducation quand même et je l'en remercie doublement. »« Ah, oh, que je regrette, que je regrette !» s'écria Pierre en lui serrant la main. De ce jour, ils furent amis intimes. Le jeune Kordzoff tenait à se montrer aussi dépourvu de sentiments aristocratiques que son ami lui-même. Il rougissait toutes les fois que celui-ci faisait allusion à sa naissance supérieure, au luxe de son existence, à la condition subalterne occupée jadis par Féodore dans la maison du prince. C'était autant d'épines que le malin Nicolas enfonçait dans sa chair à l'endroit le plus sensible. Plus Nicolas doutait des goûts démocratiques de son nouvel ami, plus celui-ci s'enfonçait dans les exagérations de la nouvelle doctrine, si bien qu'il finit par se montrer plus radical que les radicaux eux-mêmes. C'est à ce moment que Stéplin demanda à être introduit dans la famille Kordzoff. Il lui tardait d'être reçu en hôte, sur le pied de l'égalité, dans cette maison où son grand-père avait exercé les fonctions de la domesticité. « Que penses-tu de ma sœur ? » demanda Pierre à son ami quand ils se revirent le lendemain de cette présentation. « Que veux-tu que j'en pense ? » répondit l'autre d'un ton bourru. « Elle a l'air assez intelligente. « Mais ces demoiselles du grand monde sont toutes des mijaurées. »« Ma sœur n'est pas une mijaurée !» s'écria Pierre, piqué au vif par cette supposition. « Ne sauras-tu croire qu'une jeune fille élevée dans les principes qui ont porté mon père et ma mère à se dépouiller de leur fortune, comme ils l'ont fait, puisse être aussi intelligente que nous et partager nos idées ?»« Si elle partage nos idées, c'est différent !» grommela Stéplin en cachant sa satisfaction. « Mais il faudrait le voir autrement que sur ta parole. Qui t'empêche de causer avec elle ? Tu verras que je ne t'ai pas trompé. » L'année de deuil était révolue. Cédant aux instigations de son nouvel ami, Pierre pria sa mère de lui permettre de réunir chez lui, une fois par semaine, quelques-uns de ses meilleurs camarades. Madame Kordzoff n'y mit point obstacle. Chez elle, au moins, elle était certaine que son fils ne serait entraîné dans aucune erreur répréhensible. Vers 10 heures, elle envoyait le thé aux jeunes gens dans l'appartement de Pierre. Un soir, celui-ci demanda la permission d'amener ses amis à la salle à manger. Depuis lors, tous les jeudis, après la conférence qui servait de prétexte à ses réunions, les 3 ou 4 amis de Pierre furent admis dans la société des jeunes filles. Ils ne s'en montrèrent pas charmés. Pour la plupart, ils préféraient le cabinet de travail de Pierre, où l'on pouvait fumer à son aise. Mais Stéplin avait son idée. Insensiblement, il glissa près de Sophie dans une de ces intimités fréquentes en Russie entre jeunes gens et jeunes filles, où l'on cause comme si l'on était des camarades du même sexe, sans que la conversation dépasse jamais les limites des plus strictes convenances. Les convenances étaient observées en effet le plus rigoureusement du monde. Mais l'esprit déjà exalté de Sophie se trouva entraîné vers des régions inaccessibles aux vulgaires, c'est-à-dire au sens commun. Les idées de sacrifice et d'abnégation qui avaient jadis dominé sa mère réapparaissait en elle, sous une forme plus moderne et plus dangereuse, car elle n'avait pas le contrepoids qui avait autrefois sauvé Nadia. Celle-ci partageait toutes ses impressions avec son père, dont l'esprit doucement railleur la retenait à tout moment sur une pente dangereuse. Sophie ne disait pas à sa mère la moitié de ce qu'elle pensait. Du vivant de son père, elle ne lui cachait pas une de ses réflexions. Mais la longue année de réserve qui s'était écoulée depuis l'avait habituée à concentrer ses idées en elle-même. Et puis, une crainte vague l'avertissait que Nadia n'approuverait pas certaines choses. Sophie était déjà très loin dans la voie de l'erreur. Au moyen du même semblant de sincérité bourrue qui avait si fortement agi sur l'esprit du frère, Nicolas Stepline s'empara de celui de la sœur. Il sut jouer habilement des sentiments généreux de cet enfant enthousiaste. Il peignit un état social dans lequel les grandes fortunes considéreraient comme un devoir d'honneur de s'allier à des familles pauvres. Il exprima un profond mépris pour les femmes du monde qui vivent dans le monde. C'était seulement en se mêlant peuple qu'elles purifieraient leur richesse impure. Plus rusé encore qu'on ne l'eût pu supposer, il se garda bien de parler d'amour, mais seulement de devoir. Il savait que Sophie ne pouvait s'éprendre de lui. Il savait que cette jeune fille, élevée dans l'élégance et le goût le plus raffiné, ne saurait trouver de charme dans un paysan mal dégrossi. Mais il sut lui présenter le sacrifice d'elle-même comme un apostolat. Il trouvait d'autant moins d'obstacles dans l'exécution de son projet que, ne faisant d'aucune façon la cour à la jeune fille, il ne pouvait être considéré comme dangereux ni par elle-même ni par sa mère. Il parlait toujours à un point de vue général et ne faisait point d'allusion personnelle. Cependant, averti par un instinct secret, Volodia le regardait avec une méfiance qui était bien près de devenir de la haine. Il essayait, soit par lui-même, soit par Marthe, qui partageait ses craintes, de se tenir au courant du changement qui se produisait dans l'esprit de Sophie. Peine perdue, celle-ci était devenue un livre fermé. Enfin elle parla, et ce jour fut pour la famille Kordzoff une date bien douloureuse.